Ibn Sina par Alphonse Esquiros. Chapitre 1er. Ibn Sina était un vieil alchimiste du XVe siècle qui cherchait comme Geber le remède universel et la manière de faire l'or comme Raymond Lull. Les anciennes histoires font honneur de la découverte de cette science aux premiers anges qu'on supposait avoir été amoureux des premières femmes. Ce récit est peu galant puisque, d'après lui, les anges eux-mêmes auraient eu besoin d'avoir recours auprès des femmes à certains dons pour s'en faire bien venir. Mais cette fable n'a pas été inventée d'hier, et rien n'empêche de dire que les femmes ont beaucoup changé depuis ce temps-là. Durant toute sa vie qui avait été longue et orageuse, Ibn Sina n'avait jamais eu qu'une passion, la science. Mais comme toutes les maîtresses qu'on courtise avec trop d'ardeur, la science s'était montrée pour lui tout à fait intraitable. Il touchait à sa 83e année. Il n'avait jamais passé un jour sans remuer les feuillets de ses livres et sans allumer son fourneau. Plus de 5 héritages et quelques legs considérables avaient disparu tour à tour dans des expériences ruineuses. La flamme avait usé sa langue à lécher les contours du creuset. Le soufflet n'avait plus de vent, et toujours l'opération qui s'annonçait comme grosse d'or accouchait d'un peu de cendre. Toute autre patience n'y aurait point tenu, mais au lieu de briser ses fourneaux et d'éventrer son vieux soufflet asthmatique, le savant, après une expérience vaine, remettait tranquillement le succès au lendemain. Rien ne déconcertait cette foi vieille et inébranlable comme le roc. Chaque jour, Ibn Sina inventait de nouvelles méthodes, et comme ces méthodes le trouvaient toujours en défaut, le savant concluait qu'il fallait recommencer. Cependant, une certaine odeur, décrite dans les livres, s'échappait du creuset ardent au milieu de ses opérations, et lui annonçait qu'il était sur la voie de la découverte. Ibn Sina se faisait vieux et malade, mais il n'en continuait pas moins pour cela ses tentatives. Le feu se fut plutôt lassé de brûler que lui de souffler. Cependant, depuis quelques jours, le savant paraissait plongé dans une méditation absorbante. Son disciple Emmaüs, jeune homme de 17 ans, au front déjà pensif et aux cheveux blonds comme la soie, n'osait même plus interrompre ce silence formidable qui devait couver quelque grande création. Emmaüs était un de ces beaux adolescents qui s'attachaient à quelque vieille hermétique pour en prendre soin et pour s'initier sous sa direction au secret du magistère. Mélancolique et doux, avec des yeux couleur du ciel, ce disciple figurait la poésie assise sur un escabeau dans le taudis vénérable de la science. Sa jolie tête penchait gravement appuyée sur sa main et formait avec la tête sévère d'Ibn Sina, couchée horizontalement sur un matelas étendu à terre, un contraste plein de grâce. Le vieillard pensait, l'enfant rêvait. On n'entendait dans l'humble cellule que le bruit intermittent de leur souffle et le murmure de folios remués par le vent. Parfois, un oiseau venait se percher sur la fenêtre, ouverte en manière de lucarne près du plafond et grillée de barreaux de fer rongés par la rouille. Emmaüs alors levait la tête, mais le vieillard n'entendait pas. Ibn Sina était dans cet enchantement de cerveau qu'un artiste grec a figuré sur un bas-relief quand il nous représente Jupiter à l'air sombre, sur le front duquel Vulcain vient de frapper avec un marteau. Jamais Ibn Sina n'était demeuré si longtemps sans mettre la main à ses instruments. Les fioles au gros ventre, les alambics au col grêle et effilés comme des cigognes, les madras recourbées semblaient s'étonner et se plaindre de cet abandon. Le fourneau, à jeun depuis 8 jours, ouvrait dans un coin sa gueule vide. Le soufflet accroupi au milieu de la chambre ne donnait plus signe de vie. Chaque jour, la poussière descendait sur les vases de terre cuite. Encore un peu, l'araignée y eut filé sa toile. « Que fait donc le maître ?» semblait dire les creusets refroidis. « Est-ce qu'il a renoncé à ses rêves d'or potable ? À quoi bon alors avoir usé nos flancs aux morsures de la flamme ? Si la science n'est qu'une chimère, qu'il le dise et qu'il nous donne notre congé ? Il ne serait pourtant pas le premier qui eût tiré l'or de la veine des métaux en fusion, et qui eût fait de cet or friable un élixir, dont l'effet de reculer à la mort au-delà de 1000 ans. Du courage, maître, levez-vous. Prenez garde que la mort ne vienne vous surprendre avant que vous soyez mortel. Dépêchez-vous d'être Dieu. » Il y avait de telles relations mystérieuses entre cette famille d'instruments chimiques et le cœur paternel du savant, que le lecteur ne doit point s'étonner si les fioles, les fourneaux et les creusets prenait la liberté de lui adresser la parole. Un jour, en s'éveillant, Emmaüs vit descendre entre les barreaux de la lucarne un rayon de soleil de juin qui l'appelait dehors. Le ciel était bleu. on sentait dans l'air cette âme de printemps qui rajeunit le monde. Le disciple jeta un regard sur son maître. Ibn Sina était toujours dans cette position contemplative et réfléchie quand les statues de nos églises couchaient sur leurs tombeaux de marbre. Or, Emmaüs se leva sans bruit, et après avoir attaché son juste au corps, il tira doucement la porte et sortit. Le savant, resté seul, ne parut point s'apercevoir de l'absence d'Emmaüs, mais après quelques instants de silence et d'immobilité, il se leva sur son séant et joignant ses mains déjà froides, « C'est aujourd'hui le grand jour, » dit-il, puis se tournant vers l'Orient avec un air solennel. « Esprit de Salomon et du grand Hermès, » ajouta-t-il, « inspirez-moi. Ayez pitié du dernier de vos fils qui a semé le mercure sur les champs de Gomorre et dont les mains sèches n'ont jamais récolté que de la cendre. Faites qu'avant de mourir, votre serviteur voit le salut que vous avez préparé aux enfants de la science. Et toi, soleil, feu universel, âme de la nature, principe de tous les métaux, laisse tomber de ta paupière aux longs cils un seul de tes rayons qui féconde aujourd'hui mon creuset vierge. » Suivant les anciens hermétiques, l'or était du soleil à l'état solide. Cela dit, il se leva et lava soigneusement ses mains dans un vase de terre. La science était une divinité jalouse et simple, dont on ne devait s'approcher qu'avec des mains pures. Chargeant ensuite son fourneau de charbon, Ibn Sina le harangua en ces termes. « Et toi, fourneau, récipient du feu qui est l'agent secret de la nature, le Vulcain aux pieds boiteux, je t'adjure par Averroès et Mitra, les deux princes, de faire ton devoir. Flambe, mon fils, et souviens-toi du fourneau bienheureux d'Absclamim, qui, pour avoir parfait le grand œuvre, demeure allumé pendant 1000 ans. » Nous ne saurions dire si le fourneau fut sensible à cette exhortation, mais la vérité est qu'il ne tarda pas à s'enflammer. Ibn Sina n'épargna d'ailleurs pas à cet effet la laine courte et inégale du vieux soufflet qui avait repris son service entre les mains du savant. Quand la surface incandescente du fourneau permit d'y appliquer le creuset, le vieillard s'assit à côté sur un escabeau avec la sollicitude du chirurgien qui veille une femme en travail. Le creuset, dans la pensée d'Ibn Sina, était gros d'or. Mais le pauvre instrument avait déjà fait tant de fausses couches qu'on ne pouvait le soigner de trop près. C'était un spectacle grave et singulier, digne du crayon de Rembrandt que ce savant, la figure éclairée dans cette cellule sombre par la réverbération de la braise. Les rides enfumées de son front chauve se détachaient sèches et dures comme les plis de ses lèvres reliés en parchemin. Sa tête était penchée en avant, et ses yeux couvraient avec une attention muette les métaux en fusion. Il n'y avait dans ce moment-là pour cet homme ni soleil, ni printemps, ni nature. En vain les oiseaux chantaient au-dessus de sa tête, en vain le flot amolli de la Seine baisait avec un bruit doux et amoureux la grève inondée de promeneurs. Son soleil à lui, c'était son fourneau allumé. Un nuage de fumée épaisse et noire montait furieusement du creuset et répandait dans toute la cellule une odeur suffocante qui tirait à plusieurs reprises des poumons du vieillard une toux sèche, tenace et âcre. Mais que lui faisait cette eau à lui qui, à travers ses fumées du creuset et les ténèbres de la science, entrevoyait déjà l'immortalité? À chaque pas précipité, à chaque fois que la substance en travail quittait sa couleur primitive pour en prendre une nouvelle, ce que les anciens alchimistes désignaient sous le nom de métamorphose, la figure du savant s'éclairait d'espérance. Déjà le corbeau s'était changé en colombe, et la colombe en épervier, c'est-à-dire que le contenu avait passé du noir au blanc et du blanc au fauve. L'expérience était en voie de succès. Tous les caractères fournis par le livre pour annoncer les préliminaires de la transmutation se trouvaient réalisés. Ibn Sina était décidément, cette fois, sur la piste du grand arcane. Cependant, le moment du dernier précipité était venu. Ibn Sina ranima les forces du fourneau en lui donnant une nouvelle ration de combustible à dévorer. Puis, saisissant le soufflet et le comprimant avec violence, « Souffle, lui dit-il, mon vieil ami, souffle. Nous touchons au moment solennel, nous allons faire de l'or. Tu seras plus grand que le dieu Éole, le grand ventilateur dont le poète Virgilius a célébré les exploits dans son livre. » Le soufflet, flatté sans doute par ce rapprochement, gonflait ses joues pleines d'air, et les vidait avec impétuosité sur les charbons du fourneau dont il excitait la combustion. Une vapeur acide se répandit dans la chambre, mais le savant n'y prit aucune garde. Ceci fait, il chargea de nouvelles substances le creuset ardent et sifflant, qui écumait à l'œuvre comme un coursier. Le soufflet continuait d'éperonner la flamme, tout hors d'haleine, mais son maître... « Courage, mon ami, tiens bon, nous voilà arrivés au terme. » Oh, miracle ! Une poudre rougeâtre, la vraie poudre de projection décrite par les anciens alchimistes, il était impossible d'en douter à la couleur, s'échappe du creuset en une pluie fine et friable. Ibn Sina, à cette vue, est saisi d'un transport lyrique, dont il ne peut modérer les secousses ni les élans. « Oh, oh » fit-il, « de l'or, voici de l'or. Un peu de cette poudre dans de l'eau, et me voilà immortel pour 1000 ans au moins. À moi le monde, je fonderai des villes, j'achèterai des femmes. » N'as-tu pas bien fait, Ibn Sina, de tenir jusqu'ici ton cœur à l'écart des plaisirs et des passions de la foule? Pendant que tu jeûnais, vieux savant, pendant que tu séchais à déchiffrer les pages du grimoire, le monde riait, dansait et festinait autour de toi. À ton tour maintenant, tu seras adoré, tu seras roi. Tu iras en Orient, dans le pays des mages, là où les perles sortent blanches et mates du sein de la mer, où le soleil réchauffe, où les femmes sont belles. Tu bâtiras un palais qui fera oublier celui de Salomon. La reine de Saba viendra te visiter des extrémités de la terre, et tous les peuples se prosterneront devant ta face. Réjouis-toi. L'or n'est d'ailleurs qu'un symbole. Ce creuset n'est qu'une image du grand creuset auquel tu refondras le monde entier. Tu vas changer et transmuer les nations. L'or, c'est la gloire. Tu brilleras comme Moïse, le grand alchimiste, qui avait reçu les sciences des Égyptiens, et qui portait sur le front deux cornes de lumière. La science est désormais ta vassale et ta suivante. Toutes ces figures du mystère, Isis, Mithra, Osiris, qui se cachent obstinément aux autres mortels, laisseront devant toi tomber leur voile. Avec ton or, tu feras une clé qui ouvrira tous les secrets de la nature. Oh, Ibn Sina, bénis l'étoile sous laquelle tu es né. Le savant essaya de se lever, mais sa tête était lourde. La chambre était pleine de la vapeur du charbon, car Ibn Sina avait oublié d'ouvrir la fenêtre de la lucarne. Trois fois, il essaya de se traîner vers la porte, et trois fois, il retomba sur l'escabeau, roide, cloué. Ses mains sèches et ridées s'étendirent alors vers le fourneau pour ramasser sur le bord un peu de cette poudre qui fait vivre 1000 ans. Mais elle ne put y atteindre. Un nuage s'étendit sur ses yeux. Sa langue se colla à son palais. Il se sentit durcir comme la pierre. Chapitre 2e. Cependant, Emmaüs, le disciple bien-aimé, avait été rafraîchir à l'air d'une journée de printemps ses poumons brûlés de soufre et de carbone. Il s'en revenait gaiement le long de la Seine. Emmaüs était plutôt encore d'une nature de poète que de savant. Il étudiait l'alchimie à cause des belles figures bleues rehaussées d'or que ses doigts rencontraient avec ravissement sur les pages du grimoire. Il aimait les mythes de la science, Orphée déchiré par les bacchantes, et le feu du ciel ravi par Prométhée. Souvent encore, il se disait que mieux valait surprendre les secrets de la nature elle-même que de la poursuivre tristement à l'ombre du laboratoire. Il se plaisait avec les arbres et se trouvait bien du soleil. À ces heures du soir où, comme les femmes vaincues par la chaleur du jour, la nature se fait plus confiante et plus communicative, Emmaüs aimait à l'interroger au fond des bois ou sur le bord des fleuves. Ce soir-là, le soleil, descendu derrière la cité, rouge et incandescent, semblait un immense fourneau sur lequel la masse sombre des maisons était posée comme un creuset d'alchimiste. Emmaüs s'arrêta. Il se dit que peut-être il en était des rêves de la science hermétique comme de cet horizon d'or massif qui allait tout à l'heure s'éteindre et s'évanouir. Le disciple se demanda même intérieurement si cette recherche éperdue d'un bien matériel était digne de l'homme. Son esprit hésita s'il ne se dégagerait pas de ses convoitises pour s'élever à de plus nobles desseins. « Au lieu, s'écria-t-il, de tourmenter la matière en tous les sens pour en arracher un peu d'or, ne ferais-je pas mieux? Ne ferions-nous pas mieux? Oh, Ibn Sina, de consacrer les facultés que Dieu nous a confiées à enseigner nos semblables et à découvrir le grand secret des intelligences? Quand même la pierre philosophale ne serait pas une chimère. Quand vous seriez sur le point de la découvrir, oh, maître, ne trouvez-vous pas avec moi qu'il vaudrait mieux civiliser des hommes, que de transformer des métaux et des corps bruts, j'aime mieux une bonne pensée que tout l'or rêvé par vous. » Emmaüs s'attarda encore quelques instants sur le quai à regarder une fenêtre obscurcie de rideaux. Le disciple avait des amours plus humains que son maître. Cette fenêtre était celle de Thérèse, une belle fille de 18 ans qui prenait quelquefois le frais sur son balcon aux heures du soir. Emmaüs aimait Thérèse, et il en était aimé. Mais cette jeune fille avait le malheur d'être riche, et elle comptait beaucoup, comme le disciple, sur la science d'Ebn Sina pour faciliter leur union. Thérèse, ce soir-là, ne parut point à son balcon. Emmaüs vit seulement se dessiner sur la brume des rideaux une ombre légère qui lui jetait un baiser avec la main. Le disciple regagna au soleil couché la demeure de son maître. Son jeune front était plein de rêves d'amour et de poésie. Un instant, il s'arrêta pour se recueillir avant de rentrer dans le sanctuaire obscur de la science. La maison d'Ebn Sina était bizarre et haute. Un toit ouvert vers le milieu en une sorte de terrasse permettait d'y suivre le cours des constellations. Une cheminée au col long et grêle dégorgeait d'ordinaire dans le ciel une fumée épaisse par bouffées intermittentes qui ressemblaient à la respiration d'un volcan. Mais ce soir-là, aucun serpent de fumée ne déroulait ses anneaux floconneux sur la transparence étoilée du ciel. La nuit était venue. Les quais, surpris par l'obscurité tiède et émolliante d'une soirée de printemps, contournaient en silence leurs lignes tortueuses sur lesquelles on ne voyait plus guère cheminer que des maisons. Le couvre-feu était sonné. Emmaüs se décida donc à rentrer dans la tourelle du vieux savant. Il grimpa d'un pas léger l'escalier roide et tournant qui enfonçait sa spirale obscure dans un cylindre de pierre. Arrivé à la porte de la cellule, le disciple approcha son oreille des ais disjoints qui enfermaient l'entrée. Il n'entendit aucun bruit, pas même le léger murmure que rendait le vent en s'engouffrant par la lucarne. Il en conclut qu'Ebn Sina dormait et ouvrit avec précaution la porte de la chambre. Il faisait nuit sombre. Un rayon de lune éclairait froidement la figure du savant couché à terre. Emmaüs le contempla en silence. Son maître avait toujours la même attitude de méditation profonde et béate dans laquelle il l'avait laissé le matin. Comme Emmaüs était artiste, il s'arrêta quelques instants à suivre d'un œil attentif les lignes fortes et sévères qui dessinaient la configuration de cet être remarquable. Le savant était couché sur le dos. Ses mains, ramenées sur la poitrine, semblaient lasses de vouloir saisir le vide. Une barbe blanche descendait à flots épais et drus de son menton. Son front penché en avant, attiré par le poids de la tête, et ses yeux fixes semblaient couver un objet qui se détachait confusément devant lui dans les ténèbres. Emmaüs alluma un mortier de cire. Suivant alors la direction du regard que le savant tenait attaché sur le plancher, il découvrit un fourneau éteint, chargé d'un creuset refroidi et vide, qui dessinait sur le mur une ombre exagérée. « Oh !» se dit-il, « le maître a soufflé aujourd'hui. On s'en aperçoit à la vapeur âcre et caustique répandue dans la chambre. » Il ouvrit en même temps la fenêtre de la lucarne pour donner de l'air, ce qui fit entrer dans la cellule un groupe d'étoiles. Cependant, Emmaüs voulut interroger de plus près les suites de l'expérience chimique, qui lui parut d'abord, comme toutes les autres, n'avoir abouti qu'à grossir le volume de cendres dont Ebn Sina s'enrichissait chaque jour avec un bonheur persévérant. Les instruments étaient dans le désordre d'une action interrompue. Les pincettes allongeaient près du fourneau éteint leurs doigts immobiles. Le soufflet plat et affaissé s'écrasait de l'autre côté sur le plancher. Des fioles et des débris de métaux semés sur une table annonçaient un travail consommé. Le creuset était vide. Mais, ô surprise, voici qu'à la lumière vacillante du mortier, le disciple distingue autour du fourneau une poudre légère et rougeâtre dont son maître lui avait parlé une fois et qui, selon le dire des doctes alchimistes, devait être la poudre de projection. À cette vue, Emmaüs pâlit de joie et, ramassant en terre une pincée fine et idéale de cette poussière, il en frotte un liard à l'aigle. Le liard devient or. « Mon maître a trouvé !» s'écria alors Emmaüs en joignant les mains avec ivresse. Puis, retenant son souffle, de peur de faire envoler la poussière admirable, Emmaüs se mit à la considérer en silence. « Vous êtes grand, » reprit-il en se retournant du côté d'Ebn Sina. « Vous régnerez 1000 ans comme Mathusalem. et vous serez adoré comme le dieu Baal. Maître, ayez pitié de votre disciple, qui n'est point même digne de délier les cordons de vos sandales. Son cœur, jeune et charnel, n'est point comme le vôtre, purifié des faiblesses de la nature. Pendant que vous faisiez de l'or, ô incomparable, il cueillait des fleurs au bord de la route et regardait les rayons dans les feuilles. Ne lui montrez pas pour cela un visage sévère, ô Ibn Sina. Il n'est point comme vous un esprit solide et positif à veiller 40 ans sur un fourneau. Riche, aie pitié du poète. Nous allons être heureux. Thérèse est à moi, je sablerai sa robe de diamant. J'attacherai des bracelets d'or massif à ses poignets, si fins qu'on les prendrait pour les anneaux d'une couleuvre. Nous aurons des esclaves et des bains de marbre. Apportez-nous des fleurs. Les murs de notre palais seront couverts de tableaux et de bas-reliefs comme les murs d'une cathédrale. À l'œuvre, maître, me voici. Recommençons l'expérience. Faut-il rallumer le fourneau? Faut-il souffler? Passons la nuit à faire de l'or. Demain, nous serons plus riches que le roi de France. Je suis à vos ordres, Ibn Sina. Si vous n'avez plus la force de remuer les instruments ni de précipiter les substances, indiquez-moi, j'exécuterai. Une parole et nous sommes les maîtres du monde. Vous avez vaincu le sphinx, Ibn Sina. Vous avez tiré hors de sa gueule d'airain le mot fatal de l'énigme. Redites-moi ce mot. Voyons, comment faut-il s'y prendre? J'attends. Vous réfléchirez un autre jour, maître, mais aujourd'hui le temps presse. Prenez garde que la mémoire ne vous manque. Attends-nous, attends-nous. Voyant qu'Ibn Sina ne donnait aucun signe ni aucune réponse, Emmaüs, frappé d'un pressentiment horrible, passa la flamme du mortier devant les lèvres du savant. La flamme ne remua point. Ibn Sina ! Ibn Sina ! Cria le jeune homme d'une voix désespérée aux oreilles de son maître. Le maître ne leva point les yeux. Alors le disciple lui toucha les mains. Ses mains étaient froides. « Mort ? » fit le disciple atterré. « Et le secret ? » pensa tout haut Emmaüs. « Qui me dira le secret ? Voici bien le fourneau et le creuset. Mais ils l'ont oublié également tous les deux. Ces murs ? Muets. Et ce vieillard ? » Emmaüs, hors de lui, se mit à secouer furieusement le cadavre du savant. « Parle donc, mort ! » La tête du savant, agitée par sa main, fit un mouvement formidable et reprit bientôt son centre de gravité sur la poitrine. Cependant, Emmaüs parcourait la chambre comme un fou, conjurant tous les objets du regard pour en arracher une parole, recueillant la poudre semée à terre en très petite quantité pour la soumettre à l'analyse. Le voilà, en effet, qui ranime le fourneau éteint et qui essaie la vertu des dissolvants pour mettre à nu les substances renfermées dans la poudre de projection. Mais tous ses efforts échouent. La poudre se volatilise sous l'action du feu. Tout son or s'en va en fumée. Le mystère, un instant sorti des profondeurs nuageuses de la nature, y rentre peut-être pour toujours. Le savant était mort, et son secret avec lui. Emmaüs avait beau questionner le creuset et le vieillard. L'un répondait en dévorant les dernières traces de la victoire, l'autre, la bouche fermée, sans retour et les mâchoires serrées, imitait le silence des statues. La science avait repris son secret. Emmaüs ne pouvait se décider cependant à lâcher les ailes de cette chimère dorée qu'il tenait tout à l'heure entre ses doigts. Retournant avec impétuosité vers le vieillard, « Le secret, maître, dis-moi le secret. Tu n'es point mort, n'est-ce pas ? N'a-t-on pas vu d'ailleurs des mages se relever dans leur tombeau pour instruire les vivants ? Théodose de Mun ayant été enterré avec un manuscrit inachevé qui contenait, sous des figures cabalistiques, les secrets du magistère, continua son ouvrage après sa mort. Et quand on ouvrit son tombeau après un demi-siècle, on trouva les pages blanches couvertes d'écritures et d'images. Ne peux-tu revenir, grand Ibn Sina, toi qui as vaincu le mystère de la nature? Ne peux-tu glisser à l'oreille de ton disciple le mot de l'énigme? Je ne le confierai à personne, maître, je te le jure. La science t'a tué pour te punir d'avoir fait violence à ses secrets. Tâche d'en ressaisir l'expression sur tes lèvres froides. Venge-toi. Un mot, maître. Parle, parle. Emmaüs accompagna ses raisonnements d'un flacon d'alcali dont il dégagea les senteurs corrosives dans les vastes narines du savant. Alors, Ibn Sina ferma lentement les yeux, les rouvrit, promena autour de lui un regard stupide et terne, puis retomba dans son inexorable silence. « Tu vis ? s'écria Emmaüs transporté. « Tu vis, maître? Nous sommes sauvés. Un effort, Ibn Sina. Essaie de desserrer tes mâchoires de pierre. Un geste, et je comprendrai. Un signe, et je referai pour toi cet élixir qui guérit de la mort. » Le disciple présenta de nouveau le flacon à l'odorat du vieillard. Mais cette fois, Ibn Sina ne donna aucun mouvement. Il était endormi pour toujours. Emmaüs était abattu et gardait le silence. Mais, se tournant enfin vers le creuset et les ustensiles du savant, « Adieu, dit-il, je vous quitte pour toujours. Le but de nos ambitions était immoral. Le ciel a eu raison de nous en punir, Ibn Sina et moi. À force de poursuivre le progrès des substances chimiques, nous avons perdu de vue le développement de notre nature. Pareil à ce soufflet qui use son haleine contre la flamme, nous n'aspirions plus qu'à des trésors périssables, et nous nous essoufflions à fatiguer les éléments. Trêve. Esprit, vertu, intelligence, je reviens à vous. Je me retourne vers des richesses plus durables. Recevez un disciple qui se repent et qui brise aujourd'hui ses idoles de terre cuite. » Emmaüs écrasa le creuset du savant sous son pied. « Insensé que nous étions, continua Emmaüs, de croire que tout progrès était dans la matière et d'y chercher la grandeur de l'homme. Cette richesse-là n'est qu'une illusion, c'est une richesse de pauvre, car la vraie richesse réside au fond de l'esprit et du cœur. Si cette science de l'or pénétrait jamais dans les sociétés, elle y deviendrait un poison incurable, et l'humanité malade ne serait guérie qu'au moins que par un retour vers la justice et la conscience. » Ainsi s'achève Ibn Sina par Alphonse Esquiros.